Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 29 avril. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant que l'Avalanche du Colorado l'a emporté hier par la marque de 4 à 3 contre les Sharks de San Jose. Samuel Girard de Robertval a été blanchi, a joué pendant 15 minutes 43 et a terminé le match à plus 1. Maintenant, rappelons que vendredi soir, dans le premier match de la série, l'Avalanche qui avait perdu par la marque de 5 à 2 contre les Sharks de San Jose. La série entre les Éperviers de Sorel et les Marquis de Jonquière est maintenant égale 1 à 1. Les Marquis au Palais des Sports, samedi soir, l'ont emporté par la marque de 5 à 4 contre la formation de Sorel. À noter que dans le match pour les Marquis, pour la troupe de Bob Graton, à noter que du côté des Marquis, les meilleurs joueurs ont été Johan Joseph avec un but de passe. Il y a également deux buts pour Danick Paquette. Et les autres filets ont été amassés par Gabriel Paquin-Boudreau, Christian Ouellette et Yann Joseph. Maintenant, on va parler du côté de... Il y avait un tournoi de hockey scolaire en fin de semaine à Allemand. Et les Lynx du pavillon Wilbert-Dufour ont perdu en finale. Les Lynx qui ont perdu 4 à 2 contre la formation de Cap Jeunesse. En division 2 maintenant, le bleu et or a perdu la médaille de bronze. Ils ont été défaits 4 à 0 contre l'école secondaire de Montagne. Et en terminant, il y avait une compétition qui s'est déroulée en fin de semaine à Alma. Il y a une compétition de course à pied. À noter qu'au 15 km féminin, Marie-Claude Brassard, qui est native de Saint-Augustin, a remporté la victoire avec un temps de 1h15. Sylvie Lavoie de Saint-Augustin également a terminé en 3e place avec un temps de 1h09 et 40 secondes. Maintenant, du côté du 3 km masculin, Joey Pronovo de Dolbeau-Mistassini a pris le premier rang avec un temps de 12 minutes et 58 secondes. Danny Gauthier, 1 km féminin, a terminé en 2e place avec un temps de 3 minutes 54 secondes. Et au 1 km masculin, Danny Pronovo a terminé au 3e rang avec un temps de 5 minutes 26 secondes. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.